Œuvre complète de saint Augustin, tome 23e, édition Vives, 1873. Markem dan Archivorg, 2021, d'après Archivorg, Getty Research Institute, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Psautier que saint Augustin aurait composé pour sa mère sainte Monique. Dans les éditions précédentes on lit ce titre, Psautier d'Aurel Augustin, évêque d'Hippone, composé pour sa mère, mais dans le manuscrit de la Bibliothèque Royale, numéro 4373, on le trouve avec ce titre, Psautier du bienheureux pape Jean XXII, écrit à Vienne. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Roi éternel de gloire, vous connaissez le bonheur de l'homme qui, méprisant la voie où marchent les pécheurs, s'applique à méditer jour et nuit votre loi et vos préceptes. Enseignez donc à un pécheur comme moi à vous servir fidèlement et de tout cœur, avec crainte et tremblement. Exaucez cette prière que je vous fais en toute humilité. Prêtez à mes paroles une oreille très bienveillante, si bienveillante, que malgré mes fautes je ne sois point abandonné par un effet de votre juste fureur, afin que l'antique ennemi ne puisse par ses pièges se jeter comme un lion sur mon âme, alors que je n'aurai personne pour me délivrer et me sauver. Mais, ô vous, Seigneur, dont le nom est admirable au ciel et sur la terre, repoussez si bien mon ennemi, qu'il tombe et s'anéantisse devant vous, que jamais mon âme ne soit prise dans ses pièges enflammés, et que ni le souffle de l'abîme, ni le souffle de la tempête ne me puisse engloutir. Mais, Seigneur, levez-vous aujourd'hui, et voyez la misère de l'indigent, entendez le gémissement du pauvre, jetez les yeux sur moi et exaucez ma prière, car vous êtes le conseil du malheureux comme son espérance. Faites, ô mon Dieu, que je vive sans tache et que je pratique la justice, afin que j'obtienne votre grâce et votre miséricorde pour la part de mon héritage. Gardez-moi comme la prunelle de l'œil, et mettez-moi à couvert sous l'ombre de vos ailes, car vous êtes ma force, mon appui et mon refuge. Seigneur, purifiez-moi des fautes que j'ignore, et pardonnez à votre serviteur celle dont il a été l'occasion pour le prochain. Du haut de votre sanctuaire envoyez-moi votre secours, et remplissez le vœu de mon âme. Délivrez-moi de la gueule du lion, conduisez-moi dans les sentiers de la justice, afin qu'ayant les mains innocentes et le cœur pur, je puisse arriver au sommet de votre sainte montagne, et demeurer dans votre lieu saint. Oubliez les péchés de ma jeunesse et les fruits funestes de mon ignorance. Ne me perdez pas avec les impies, et ne me livrez pas au bon plaisir de ceux qui me persécutent, mais écoutez favorablement mes supplications, prêtez une oreille favorable à cette voix qui invoque votre nom glorieux et saint, et ayez pitié de moi. Seigneur, veillez sur moi, afin qu'ayant mis en vous ma confiance, je ne sois point éternellement confondu, mais plutôt pardonnez l'impiété de mon cœur. Seigneur, étendez sur moi votre miséricorde, selon l'espérance que j'ai en vous, délivrez-moi de toutes mes angoisses, et dites à mon âme, c'est moi qui suis ton salut. Puisque je suis tranquille à l'abri de vos ailes, exaucez la prière de mon cœur, songez à me secourir, ô Seigneur Dieu, mon Sauveur. Faites, Seigneur, que je connaisse ma fin et le nombre de mes jours, afin que je sache ce qui me manque. Écoutez favorablement mes humbles prières, arrachez-moi de l'abîme de misère et du bourbier fangeux. Posez mes pieds sur la pierre, et conduisez mes pas dans la voie droite. Délivrez-moi, Seigneur, au jour mauvais, et introduisez-moi dans le tabernacle admirable de la maison de Dieu, car vous êtes mon Dieu et ma force. Ne permettez pas que je m'écarte de vos voies, faites que j'aime la justice, et que je haïsse l'iniquité. Soyez mon refuge et ma force, car vous êtes le grand roi à qui la terre entière est soumise. Ô vous qui, dans tous les siècles, dirigez le sort de tous les hommes, délivrez mon âme de la puissance de l'enfer, lorsque je descendrai dans la tombe, et quand arrivera le jour de votre manifestation, et que vous viendrez nous juger, ayez pitié de moi selon l'étendue de votre grande miséricorde, et ne me retirez point l'assistance de votre Esprit Saint. À cette heure, ô Dieu plein de bonté, détournez vos yeux de mes péchés, et effacez toutes mes iniquités. Ô Dieu, créez en moi un cœur pur, et renouvelez au fond de moi-même la droiture de mon âme, afin que, comme un fertile olivier, je sois reçu dans le paradis de mon Dieu, arrosé de l'huile de la sainteté, que j'y tressaille avec Jacob, et que je m'y réjouisse éternellement avec Israël. Sauvez-moi par la vertu de votre nom, et délivrez-moi par votre puissance. Ne dédaignez pas ma prière et ayez pitié de moi. Du haut du ciel, envoyez-moi votre secours, et mettez-moi en liberté, en couvrant d'opprobre ceux qui m'écrasent sous leurs pieds, broyez-leur les dents dans la bouche, et mettez en pièces la mâchoire des lions. Vous êtes mon Dieu, et le Dieu de miséricorde, puisse votre droite me sauver, et l'ombre de vos ailes me couvrir, lorsque vous rendrez à chacun selon ses œuvres. Mon âme est altérée de votre divinité, protégez-moi contre l'assemblée des méchants. Lorsque toute chair paraîtra devant vous, ne me retirez pas votre miséricorde, ne me privez pas de votre Esprit Saint, mais répandez sur moi la lumière de votre visage. Ô Dieu, mon Sauveur, faites que je marche heureusement dans la voie, afin que je ne sois point englouti dans l'abîme, et que je ne tombe point dans le précipice. Aidez-moi, sauvez-moi Seigneur, et ne tardez pas. Puisque je mets en vous mon espérance, Seigneur, je ne serai point confondu, lorsque vous jugerez votre peuple, et que périront ceux qui s'éloignent de vous, puissé-je n'être pas rejeté plein d'humiliation et de confusion. Vous êtes un juste juge, juge terrible qui abaissé et exalté, qui donc alors résistera à votre colère, vous êtes le Dieu qui seul peut opérer de grandes merveilles, de même que vous avez donné du pain à votre peuple dans le désert, et que vous avez satisfait ses désirs, ainsi puisse votre grâce rassasier ma faim, et votre miséricorde me prévenir au plus tôt. Vous, mon défenseur, accordez-moi, au jour de tribulation, le pain des larmes et l'amertume de la componction, et faites que je goûte intérieurement la douceur du miel qui coule de la pierre. Ô Dieu qui discernez tout ce qui concerne les justes et les pécheurs, qui seul êtes bien haut élevé au-dessus de toutes les nations, ayez pitié de moi, accordez-moi votre bénédiction. Ô vous qui m'avez imposé votre loi, effacez l'iniquité de mon cœur, et pardonnez-moi tous mes péchés, ô mon Dieu, sauvez votre serviteur qui place en vous son espérance. Ô Dieu, qui avez posé les fondements de votre église sur les saintes montagnes, inclinez l'oreille pour entendre ma prière. Que votre main soit donc mon soutien, et que je ne sois pas délaissé dans ma misère, mais délivrez-moi du filet des chasseurs, de toute occasion de ruine, et des attaques du démon du midi, afin que, planté dans la maison du Seigneur, je fleurisse comme le palmier, et que je mérite de voir mes jours se multiplier comme le cèdre du Liban. Soyez mon refuge, et l'appui de mon espérance, ô mon Dieu, ô souverain roi de toute la terre. Lorsque vous jugerez l'univers et tous les peuples selon la justice et la vérité, faites que je jouisse avec les justes de la lumière sans fin, et que je goûte la joie de ceux qui ont le cœur droit. Ô vous qui vous asseyez sur les chérubins, admettez-moi en votre présence et remplissez-moi d'allégresse, et que l'innocence de mon cœur me permette de marcher librement au milieu de votre demeure. Loin de moi la perversité du cœur, mais que mes yeux soient fixés sur vos saints et fidèles serviteurs, afin qu'ayant suivi les voies immaculées, je sois admis dans leur société. Lorsqu'au jour du jugement vous éloignerez de votre cité tous ceux qui maintenant commettent l'iniquité. Seigneur, exaucez ma prière, et que mon cri s'élève jusqu'à vous. Ne détournez pas de moi votre visage, et au jour de la tribulation prêtez l'oreille à mes soupirs. Soyez indulgent pour toutes mes iniquités, et délivrez-moi de la perte qui me menace. Que tous mes désirs soient comblés par une abondance de biens. Vous qui d'un regard faites trembler la terre, qui avez délivré votre peuple et vos élus au milieu de l'allégresse et de la joie, faites que, toujours et en tout temps, j'observe la justice et l'équité. Tirez-moi des ténèbres et des ombres de la mort, afin que mon cœur soit toujours prêt à vous glorifier et à chanter vos louanges. Pour l'honneur de votre nom, et par un effet de votre miséricorde, faites éclater quelques signes en ma faveur, afin que je sois glorifié dans les siècles des siècles, dans les splendeurs des saints, dans l'assemblée et le conseil des justes, et que ma puissance soit élevée et comblée de gloire. Lorsque vous m'aurez tiré de ma misère et de ma poussière, et que vous aurez élevé le pauvre du fumier, alors je vous serai agréable dans la terre des vivants, mais d'abord brisez mes chaînes et couvrez-moi de votre miséricorde. Seigneur, lorsque je vous invoquerai dans la tribulation, exaucez-moi avec une inépuisable bonté, imposez-moi votre loi, Seigneur, afin que je vive, et que je cherche toujours les sentiers de votre justice. Donnez-moi l'intelligence pour scruter attentivement votre loi, et la garder avec un cœur plein de bonne volonté. Je me suis égaré comme une brebis perdue, venez à ma recherche et délivrez mon âme, que j'entre ou que je sorte, gardez-moi toujours, et faites que mes pieds s'arrêtent dans votre maison, dans les parvis de Jérusalem. J'ai élevé mon âme et mes yeux vers vous, qui habitez dans les cieux, délivrez mon âme du piège des chasseurs, et que mes mains ne se prêtent jamais à l'iniquité. Remplissez ma bouche de chants joyeux, et que ma langue n'ait que des cris d'allégresse. Comblez mon cœur des biens qu'il désire, et du haut de Sion répandez sur moi la bénédiction. Montrez-moi les biens qui sont dans Jérusalem, et éloignez-moi de toute iniquité. Seigneur, prêtez des oreilles attentives à la prière de votre serviteur. Ne permettez pas que mon cœur s'enfle d'orgueil, ni que mes yeux deviennent arrogants, mais inspirez-moi d'humbles sentiments jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour le Seigneur, un tabernacle pour le Dieu de Jacob. Dans le lieu même d'où vous envoyez la bénédiction et la longueur de la vie, c'est là que j'élèverai les mains vers les sommets sacrés, et que je vous bénirai, vous qui jugez votre peuple, et vos serviteurs feront votre joie. Dieu au-dessus de tous les dieux, Seigneur des seigneurs, pendant que je suis en pleurs et en adoration dans votre saint temple, éprouvez-moi et sondez mon cœur, interrogez-moi, voyez les sentiers où je marche, et conduisez-moi dans le chemin de l'éternité. Conservez-moi, Seigneur, Arrachez-moi aux mains des pécheurs, et délivrez-moi de tous les méchants. Que ma prière, Seigneur, soit comme l'encens qui s'élève en votre présence. Tirez mon âme de sa prison, afin qu'elle glorifie votre nom, ô Seigneur. Exaucez-moi selon votre justice, et n'entrez point en jugement avec votre serviteur. Seigneur, exaucez-moi promptement, et ne laissez point mon esprit défaillir, car vous êtes mon Dieu, ma miséricorde, mon refuge et mon soutien. Vous qui êtes grand et infiniment digne de louange, vous dont la grandeur est sans borne, vous qui édifiez Jérusalem, relevez celui qui est brisé contre terre, délivrez le captif de ses chaînes, éclairez l'aveugle. Faites que je sois réuni à vos enfants dans votre maison, lorsque vous aurez affermi les serrures de vos portes. De même que les anges et toutes les vertus vous louent dans le ciel, ainsi puissé-je, moi aussi, plein de joie et de gloire, au milieu du cœur des justes, me servir de mes lèvres comme d'un instrument retentissant, pour louer et glorifier votre nom, qui est saint et glorieux, et dont l'empire s'étend à jamais dans les siècles des siècles sans fin. Ainsi soit-il.